C'est pas une question de maturité, c'est une question de sonorité. Les bons sont de mon côté, puis ça c'est la vérité. Sensible et sensé, si sans censure que je fais moins rapper. Moi j'aime rapper, pour ceux qui l'avaient pas remarqué. Je me fais aller la gueule tout seul dans mon sous-sol. Sous la douche, quand je me couche, je rends les filles folles. Ça virevole, mes rimes collent, puis quand je fume, je décolle. Pour ceux qui veulent savoir, ça a commencé, c'est pas l'école. Depuis tout ça, maintenant que j'ai fait mes feux, je suis amoureux. Moi puis le rap, c'est du sérieux, pop lover. Check dans mes yeux, j'ai le beat dans le sang comme un black d'Afrique. Quand je rap, je le mic comme une liasse de fric. J'ai la fever, le Saturday Night comme Travolta. C'est le rêveur quand je me mets high, mon gars. Cannabis, vodka, zigzag et orangina. À soir, on start la fiesta pour tous mes hip-hop lovers. Tu veux savoir comment je vis ma vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir mon mode de vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir ce qui me tient en vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir vraiment qui je suis? Hip-hop lover. Tu veux savoir comment je vis ma vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir mon mode de vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir ce qui me tient en vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir vraiment qui je suis? Hip-hop lover. Pratiquement 24 sur 24, j'écoute du rap. N'importe où, c'est fou, j'carpe au kilowatt. J'squatte les clubs, mais fuck that. Trop de DJ sont wack. Ils disent que Dog embarque quand la piste est remplie de chat. La plupart, ils ont pas tort. Mais c'est souvent l'excuse de ceux qui ont pas de répertoire. Il faut le voir pour le croire. Ils perdent dans le commercial, ils ont peur d'aller au fond. C'est prouvé quand ils repassent deux, trois fois la même chanson. Pas de leçon à savoir la façon dont j'fais mes combos. Y'en a qui pensent que la seule bonne technique, fuck, c'est faux. J'me suis produit du disque à ma façon, garçon. Puis le son qui résonne, ça vient direct de mon salon. Tu vois l'essentiel, la musique, ce cadeau du ciel. Devant des beautés, des merveilles, j'me réveille ou j'm'émerveille. J'ferme mes pieds, me traîne comme FF. J'reste positif dans ce que j'fais. En effet, j'aime ce que j'fais. J'le fais avec cœur et honneur, c'est mon art, c'est mon art. Ce morceau-là sort pas d'un studio à 200 000 $. Direct la cave à Crazy. Fuck, c'est pas de bluff, mais crazy. J'veux pas de beef ici. Je sais, hip-hop lover qui ont compris. Tu veux savoir comment j'vis ma vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir mon mode de vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir ce qui me tient en vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir vraiment qui j'suis? Hip-hop lover. Tu veux savoir comment j'vis ma vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir mon mode de vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir ce qui me tient en vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir vraiment qui j'suis? Hip-hop lover. Le rap, c'est une musique que beaucoup de monde écoute, mais tu peux comprendre. Tu peux pas comprendre. J'emmerde les modes, ça coule dans mes veines. Hey kid, y'a pas de mes mesures avec crazy. Y'a pas de semblant, faut que tu ailles en dedans, sinon t'es baisé. C'est basic, c'est ma musique. Y'a pas de hic, juste moi une sampler. Une feuille blanche, un stylo pic. J'peux rester à écouter des CD pendant des heures. Jamais j'm'écœure, qu'ils se soient en char ou dans mon baladeur. J'décortique les albums, j'les passe au punk fin. J'me fais pas passer de bullshit. Hey yo, j'suis loin d'être un crétin. T'es mieux d'avoir des talents lyrical, mon vieux. Parce que j'm'en viens, c'est difficile. Parce que j'écoute sérieux. Ceux qui rappent pour la fame, la prime ou ben le fric. Prennent d'abord assez vite parce que j'm'en rends compte tout de suite. J'écris depuis longtemps, ceux qui ont pas de talent, c'est évident. Lyricalement parlant, mon contrat, tu l'as eu en sous-sang. J'passe des nuits blanches, en boucané ma pièce de boucan blanche. Okay, les feuilles vierges, oh shit, j'leur laisse pas de chance. Lyrical, Soldier, Producer, Beatmaker. T'es joué dans mon secteur, tu vas voir que j'suis un hip-hop lover. Tu veux savoir comment j'vis ma vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir mon mode de vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir ce qui me tient en vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir vraiment qui j'suis? Hip-hop lover. Tu veux savoir comment j'vis ma vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir mon mode de vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir ce qui me tient en vie? Hip-hop lover. Tu veux savoir vraiment qui j'suis? Hip-hop lover. Ma façon d'envisager le rap. Superstar shit for real. Y'a pas que l'argent et le succès. Rap game. Give respect and love.